De vous retrouver après une semaine de congé bien mérité. Pas mal de stock ce matin à vous parler. D'abord, on va commencer comme on le fait à tous les bulletins de sport en revenant d'une fin de semaine des Saguenay de Chicoutimi qui ont joué pour 500 au cours du week-end. Les Saguenay qui ont gagné 4-2 contre les Islanders de Charlottetown samedi. Dimitri Zoukenov a compté un but et a amassé une passe. De même que Frédéric Allard, un but, une passe. Il y a Noah Buckle et également Ryan Verbeek qui ont marqué deux passes pour Nicolas Roy. Et vendredi, c'était la visite des Cataractes de Shawinigan et Samuel Girard contre les Saguenayens. Et les Cataractes ont gagné 2-0. Samuel Girard a amassé une passe dans la partie. Du côté des Marquis de Jonquière, fin de semaine parfaite pour les Marquis. Les Marquis qui ont gagné 5-3 contre Thetford Mines. Il y a Yuka Kolik qui a marqué deux buts et amassé une passe. Et un but chacun pour Christian Ouellette, Alexandre Quesnel et Stéphane Chaput. Deux passes pour Hugo Carpentier. Du côté junior régional, deux autres défaites en fin de semaine pour les Sabres de Roberval. Les Sabres qui ont perdu 6-3 contre les Marquis de Jonquière. Il y a Maxime Paul qui a marqué un but et a amassé une passe. Anthony Girard, de même que Gabriel Lourinière qui ont marqué des buts pour les perdants. Et vendredi, défaite de 9-4 contre les Saguenayens de Chicoutimi. À noter maintenant que les Éperviers de Normandin ont joué pour 500 en fin de semaine. D'abord, dans le premier match, les Éperviers ont perdu 4-3 contre les Saguenay de Chicoutimi. Et vendredi, les Éperviens ont enfilé une victoire de 4-1 contre les Aiglons d'Alma. Maintenant, au Challenge Banque Nationale, on parle évidemment de tennis. L'Américaine Caroline Bettis a remporté une victoire de 6-4 et 6-2 sur la Canadienne Bianca Andreescu. Grâce à cette belle performance, la jeune Canadienne de seulement 16 ans devrait percer le top 400. Et en fin de semaine, se déroulait également une compétition de patinage de courte vitesse sur courte piste à Drummondville. Rosalie Tremblay de Saint-Félicien était la meilleure patineuse du secteur. Elle a pris le 8e rang. Catherine Mailloux de Saint-Félicien, le 17e rang. Maude Tremblay de Dolboum-Saint-Denis, le 19e rang. Flavie Laroche-Roy, la 24e place. Karina Momigny a terminé en 29e position. Karina Momigny qui vient du secteur. Également, en fin de semaine, il y avait une compétition de judo. C'est la première compétition de judo régionale. Et il y avait 130 judokas qui s'étaient donné rendez-vous ici à Dolbeau-Mistassini. Et à noter que le club de judo Albatros de Dolbeau-Mistassini a bien fait en récoltant 12 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Le club a terminé au deuxième rang. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.